La constitution du comité préparatoire guinéen et du comité préparatoire national népalais pour la journée du soleil et la journée de la brillante étoile a eu lieu à Conakry et à Katmandou en présence des personnalités et des habitants. Le comité préparatoire népalais a adopté un message de félicitations adressé au dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, vient d'être fondé le comité préparatoire du Parti uni islamique de l'Iran pour les 105e et 75e anniversaires de naissance des généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il.